Section 83 des Mille et une Nuits, tome 3e. Quatrième partie de l'histoire d'Alicogia. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et une Nuits, tome 3e, traduit par Antoine Galland. Quatrième partie de l'histoire d'Alicogia, marchand de Bagdad. Seigneur, repartirent les marchands appelés comme experts, ce que nous pouvons assurer, c'est que les olives sont de cette année, et nous maintenons que de tous les marchands de Bagdad, il n'y en a pas un seul qui ne rend le même témoignage que nous. Le fin marchand, accusé par le fin Ali Cogia, voulut ouvrir la bouche contre le témoignage des marchands experts. Mais le fin cadi ne lui en donna pas le temps. Tais-toi, dit-il. Tu es un voleur. Qu'on le pende. De la sorte, les enfants mirent fin à leur jeu avec grande joie, en frappant des mains et en se jetant sur le fin criminel comme pour le mener pendre. On ne peut exprimer combien le calife Haroun al-Rachid admira la sagesse et l'esprit de l'enfant qui venait de rendre un jugement si sage sur l'affaire qui devait être plaidée devant lui le lendemain. En cessant de regarder par la fente et en se levant, il demanda à son grand vizir, qui avait été attentif aussi à ce qui venait de se passer, s'il avait entendu le jugement que l'enfant venait de rendre et ce qu'il en pensait. Commandeur des croyants, répondit le grand vizir Giafar, on ne peut être plus surpris que je le suis d'une si grande sagesse dans un âge si peu avancé. Mais, reprit le calife, sais-tu une chose? Qui est que j'ai à prononcer demain sur la même affaire, et que le véritable Ali Cogia m'en a présenté le placé aujourd'hui? Je la prends de votre majesté, répondit le grand vizir. Crois-tu, reprit encore le calife, que je ne puisse en rendre un autre jugement que celui que nous venons d'entendre? Si l'affaire est la même, repartit le grand vizir, il ne me paraît pas que votre majesté puisse y procéder d'une autre manière, ni prononcer autrement. Remarque donc bien cette maison, lui dit le calife, et amène-moi demain l'enfant, afin qu'il juge la même affaire en ma présence. Mande aussi au cadi qui a envoyé Absou le marchand voleur de s'y trouver, afin qu'il apprenne son devoir de l'exemple d'un enfant et qu'il se corrige. Je veux aussi que tu prennes le soin de faire avertir Ali Cogia d'apporter son vase d'olives, et que deux marchands d'olives se trouvent à mon audience. Le calife lui donna cet ordre en continuant sa tournée, qu'il acheva sans rencontrer autre chose qui méritât son attention. Le lendemain, le grand vizir Giafar vint à la maison où le calife avait été témoin du jeu des enfants, et il demanda à parler au maître. Au défaut du maître, qui était sorti, on lui fit parler à la maîtresse. Il lui demanda si elle avait des enfants. Elle répondit qu'elle en avait trois, et elle les fit venir devant lui. Mes enfants, leur demanda le grand vizir. Qui de vous faisait le cadi hier au soir que vous jouiez ensemble? Le plus grand, qui était l'aîné, répondit que c'était lui, et, comme il ignorait pourquoi il lui faisait cette demande, il changea de couleur. Mon fils, lui dit le grand vizir, venez à moi, le commandant des croyants veut vous voir. La mère fut dans une grande alarme quand elle vit que le grand vizir voulait emmener son fils. Elle lui demanda, Seigneur, est-ce pour enlever mon fils que le commandant des croyants le demande? Le grand vizir la rassura en lui promettant que son fils lui serait renvoyé en moins d'une heure et qu'elle apprendrait, à son retour, le sujet pourquoi elle était appelée, dont elle serait contente. Si cela est ainsi, Seigneur, reprit la mère, permettez-moi qu'auparavant je lui fasse prendre un habit plus propre et qu'il le rende plus digne de paraître devant le commandant des croyants. Et elle le lui fit prendre sans perdre de temps. Le grand vizir emmena l'enfant, et il le présenta au calife à l'heure qu'il avait donnée à Ali Cogia et aux marchands pour les entendre. Le calife, qui vit l'enfant un peu interdit et qui voulut le préparer à ce qu'il attendait de lui, « Venez, mon fils, dit-il, approchez. Est-ce vous qui jugiez hier l'affaire d'Ali Cogia et du marchand qui lui a volé son or? Je vous ai vu et je vous ai entendu. Je suis bien content de vous. » L'enfant ne se décontenança pas et répondit modestement que c'était lui. Mon fils, reprit le calife, je veux vous faire voir aujourd'hui le véritable Ali Khoja et le véritable marchand. Venez vous asseoir près de moi. Alors le calife prit l'enfant par la main, monta et s'assit sur son trône, et quand il l'eut fait asseoir près de lui, il demanda où étaient les parties. On les fit avancer, et on les lui nomma, pendant qu'ils se prosternaient et qu'ils frappaient de leur front le tapis qui couvrait le trône. Quand ils se furent relevés, le calife leur dit « Plaidez chacun votre cause. L'enfant que voici vous écoutera et vous fera justice, et s'il manque en quelque chose, j'y supplierai. » Ali Khoja et le marchand parlèrent l'un après l'autre, et quand le marchand vint à demander à faire le même serment qu'il avait fait dans son premier jugement, l'enfant dit qu'il n'était pas encore temps, et qu'auparavant il était à propos de voir le vase d'olive. À ces paroles, Ali Khoja présenta le vase, le posa aux pieds du calife et le découvrit. Le calife regarda les olives et il en prit une, dont il goûta. Le vase fut donné à examiner au marchand expert qui avait été appelé, et leur rapport fut que les olives étaient bonnes et de l'année. L'enfant leur dit qu'Ali Khoja assurait qu'elles y avaient été mises il y avait 7 ans, à quoi ils firent la même réponse que les enfants fins marchands experts, comme nous l'avons vu. Ici, quoique le marchand accusé vit bien que les deux marchands experts venaient de prononcer sa condamnation, il ne laissa pas néanmoins de vouloir alléguer quelque chose pour se justifier, mais l'enfant se garda bien de l'envoyer pendre. Il regarda le calife. « Commandeur des croyants, dit-il, ceci n'est pas un jeu. C'est à votre majesté de condamner à mort sérieusement, et non pas à moi, qui ne le fit hier que pourrir. » Le calife, instruit pleinement de la mauvaise foi du marchand, l'abandonna au ministre de la justice pour le faire pendre, ce qui fut exécuté après qu'il eut déclaré où il avait caché les 1000 pièces d'or, qui furent rendues à Ali Khoja. Ce monarque, enfin, plein de justice et d'équité, après avoir averti le cadi qui avait rendu le premier jugement, lequel était présent, d'apprendre d'un enfant à être plus exact dans sa fonction, embrassa l'enfant et le renvoya avec une bourse de 100 pièces d'or qu'il lui fit donner pour marque de sa libéralité. Fin de la 4e et dernière partie de l'histoire d'Ali Khoja, section 83. Enregistré par Witania.